Voici, en 10 minutes à peine, l'intégrale de la nouvelle intitulée « La légende du Mont-Saint-Michel », publiée par Guy de Maupassant en 1882. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, décembre 2018.